Chapitre 28e. Saltimbanque. Bientôt, sur l'affiche du grand cirque des deux mondes, on put lire le fameux Devadatta, l'éléphant unique, frère du divin Ganesha, dans ses divers exercices. M. Oldham, en effet, s'était acquitté fort bien et fort vite de mon éducation. Je ne charmais plus seulement le public en jonglant avec des anneaux de fer. À chaque représentation, toujours dans le même ordre, se succédaient mes exercices. Quand je fus tout à fait instruit, voici ce que je faisais. D'abord, je jonglais avec des anneaux de fer. Puis, on dressait une cible. Je me plaçais en face. J'avais à côté de moi une corbeille pleine de balles. Avec ma trompe, je lançais les balles contre la cible. Et je ne crois pas l'avoir jamais manqué. La cible enlevée, on m'apportait une grosse boule de fer. Et je m'y tenais en équilibre et la faisais marcher avec mes quatre pieds. Cet exercice me fatiguait fort. Aussi, pour me reposer, me faisait-on jouer une scène dramatique. Un jeune roi et une jeune reine erraient par la campagne gaiement. Tout à coup, l'on entendait des bruits de chasse, et je paraissais poursuivi par quelques cavaliers. Effrayé, le jeune roi et la jeune reine cherchaient à se cacher. Je faisais, semblant être furieux, deux ou trois fois le tour du cirque. Puis j'avisais la reine, je me précipitais vers elle. Alors, dans la scène telle que l'avait d'abord composée Mukunji, car mon maître était, pour me faire briller, devenu auteur, le roi devait la protéger de son corps. Il dégainait son sabre, me l'enfonçait dans le poitrail, et je tombais, simulant la mort. Le sabre, bien entendu, était une arme en fer blanc émoussé, et dont la lame entrait dans la poignée. Mais ce dénouement fut changé, et par moi, dès le premier soir où l'on donna la scène. C'était Miss Nightingale qui jouait la jeune reine. Elle était charmante dans ce rôle, avec une robe de gaze blanche, sous laquelle transparaissait une tunique de soie mauve, et quand je la vis, si gracieuse, le souvenir de Parvati qui ne me quittait guère me revint plus vif et plus cher que jamais. Alors, au lieu de courir violemment vers elle, je m'arrêtai, je m'avançais lentement, et leur humble et soumis, j'allais m'agenouiller devant elle. Le public applaudit longuement, et l'on décida qu'on garderait ce dénouement à la scène désormais. C'était après cela que je faisais cinq fois le tour du cirque en bicyclette, une bicyclette énorme, construite à ma taille. On s'imagine avec quelle peine un éléphant peut se tenir sur un pareil instrument. Je faisais mouvoir les pédales avec mes pieds de devant et le guidon avec ma trompe. Je devais ensuite me tenir debout et danser une polka. Enfin, pour terminer mes exercices, je jouais une autre scène, comique celle-là, et qu'avait composée M. Oldham. Au milieu du cirque, on m'apportait une table avec une chaise à ma taille et auprès, entre deux poteaux, une cloche à laquelle pendait une corde. J'entrais, je m'asseyais sur la chaise, et de ma trompe je tirais la corde de la cloche. M. Oldham, vêtu en garçon de restaurant, accourait, et je lui faisais comprendre que je voulais dîner. « On vous sert, monsieur éléphant, » disait-il. Il sortait. D'un sac qu'on m'avait attaché au rein, je tirais, toujours avec ma trompe, une paire d'énormes lunettes. Je les assurais devant mes yeux, puis je prenais un journal. Je faisais comme si je lisais. Alors, je ne savais pas encore vraiment lire. Peu à peu, M. Oldham ne revenant pas, je simulais l'impatience. De nouveau, je sonnais, et M. Oldham accourait. « On vous sert, monsieur éléphant. » Il disparaissait. Deux fois encore, je sonnais, et deux fois, M. Oldham me criait « On vous sert, monsieur éléphant. » sans jamais rien m'apporter. La troisième fois, enfin, il me servait un plat. C'était quelques pains, et je les avais rapidement engloutis. Je sonnais. M. Oldham venait, je lui marquais que je voulais un second plat. Au bout d'un long temps, il m'apportait des légumes qui étaient aussi vite mangés que les pains. Je demandais un troisième plat, et cette fois j'avais des fruits, des gâteaux et une bouteille de champagne dont je faisais bruyamment sauter le bouchon. Pour la dernière fois, je sonnais, et je faisais signe que je voulais la note. Sans tarder, maintenant, M. Oldham m'apportait un long morceau de papier. Je remettais mes lunettes, je les avais ôtées pour manger. Je regardais le papier et je poussais un sonore grognement d'indignation. M. Oldham tombait, comme de peur, et par une culbute se relevait et il criait « Qu'est-ce que vous avez, monsieur éléphant ?» Je témoignais de mon mécontentement en me levant et en piétinant la note. « Vous la trouvez trop élevée ?» Je faisais signe que oui. « Vous allez pourtant me payer ?» Je faisais signe que non. « Ah, vous ne voulez pas me payer ?» Toujours non de ma part. « Eh bien, monsieur éléphant, nous allons voir. » Et très haut, il appelait. « Hé, là-bas, messieurs les policemen !» Alors entraient messieurs Trick et Troc, vêtus en policemen. « Monsieur Policeman, disait M. Oldham, voici M. Éléphant qui ne veut pas me payer. »« C'est bien, criait M. Trick. « En prison, M. Éléphant. »« En prison, répétait M. Trock. » À cette menace, l'air confus, je tirai de mon sac des morceaux de papier simulant des banknotes et je m'en allai, tandis que M. Oldham et Messieurs Trick et Trock se réjouissaient par une danse extravagante. Cette scène amusait fort le public, qui chaque soir me rappelait au moins trois fois. Mais moi, je me sentais humilié de jouer un rôle comique, de faire presque le clown. Je vécus ainsi plusieurs années. Quand dans une ville les recettes baissaient, M. Hallwick se transportait dans une autre. De Calcutta, nous allâmes à Chandernagore, de Chandernagore à Patna, puis je vis Bénarès, Allahabad, Delhi, que sais-je encore. J'aurais pu ne pas être très malheureux. J'avais su me faire respecter de ceux qui, tout d'abord, avaient essayé de me taquiner. Mais Oldham était fier de son élève et l'aimait. Mukunji était toujours le brave homme qui m'avait recueilli, et mes quatre amis Annie, que je protégeais souvent contre les brutalités de sa mère, Circe Nightingale, Sarah Skipton et Clary Morley, étaient pleines de prévenance pour moi et me gâtaient sans cesse. Mais, hélas, je songeais à ma belle vie d'autrefois, si calme et si joyeuse, et je songeais à Parvati, qui souffrait peut-être et que j'aurais pu défendre. M'avait-on oublié? Ou, si elle pensait à moi, ne m'accusait-elle pas d'ingratitude? Et n'avais-je pas en effet été un ingrat, de la quitter ainsi, bassement jaloux? Aussi, malgré les soins dont on m'entourait, j'étais toujours bien triste. Chapitre 29e. Retour au paradis. Un jour, le grand cirque des deux mondes arriva à Bombay. J'étais ce jour-là à bout de courage, écrasé de honte. Moi, le roi magnanime, devant qui tout un peuple s'était prosterné. Moi, le guerrier farouche qui avait versé tant de sang ennemi, rendu le trône à un prince, était le compagnon aimé de la plus belle des princesses. J'en étais réduit à me montrer dans de grotesques parades pour étonner et divertir des foules. Ah, combien la vie m'était lourde quand je me sentais seul, au milieu de mes nouveaux compagnons, malgré leur bienveillance pour moi. Puisque sans doute je ne devais jamais revoir Parvati, retrouver le paradis perdu, à quoi bon prolonger le supplice? J'étais décidé à m'enfuir de nouveau, à chercher dans les forêts solitaires le cimetière des éléphants, et là, à me laisser mourir de faim au milieu des ossements blanchis de mes pareils. Oui, cette représentation serait la dernière. Quand tous dormiraient, je quitterais mon abri de planches. Je traverserai à la nage les trois canals qui séparent l'île de Bombay du continent, et j'irai chercher le lieu de repos où toutes mes peines mourraient avec moi. J'étais si préoccupé par la détermination que je venais de prendre et par les réflexions que m'inspirait mon chagrin, que je fis à peine attention à l'agitation extraordinaire qui ce soir-là régnait parmi les artistes du grand cirque des deux mondes. On rafraîchissait les costumes, on astiquait les accessoires, on répétait les tours, sus depuis longtemps, avec une ardeur peu commune, on cousait même, en toute hâte, une frange d'or à des draperies de velours rouge pour un usage que je ne pus deviner. La représentation commença beaucoup plus tard que de coutume. On la retarda autant que cela fut possible, malgré les trépignements d'impatience du public. Lorsque je m'avançais sur la piste, je vis, juste en face de l'entrée, un grand espace séparé des places ordinaires par des cloisons peintes en rouge. Le devant de cette loge improvisée était orné de draperies frangées d'or, d'écussons aux armes d'Angleterre et de guirlandes de fleurs. Des fauteuils étaient disposés dans la loge. Je compris que l'on attendait quelques personnages illustres, mais qu'ils ne viendraient pas, sans doute, car la loge était vide encore et faisait un grand trou sombre au milieu des autres places, qu'emplissait une foule compacte, aux toilettes claires et brillantes. M. Oldham, en soupirant, me fit faire mes exercices et j'en étais au travail d'équilibre sur la sphère roulante, quand un mouvement général du public, qui ne me regardait plus, me fit comprendre que l'illustre personnage venait d'entrer. Très attentif à ne pas perdre l'équilibre, je ne pouvais lever la tête pour regarder. « C'est peut-être le président de Bombay, pensais-je, et je ne tiens guère à le voir. » Mais tout à coup, la sphère s'échappa d'entre mes pieds, et perdant l'équilibre, je tombai à genoux. Une voix de femme venait de crier « Iravata !» Qui donc pouvait crier ainsi mon nom d'autrefois, mon nom de bonheur? Et cette voix? Cette voix harmonieuse et claire qui était entrée en moi comme une épée m'avait jeté à genoux en précipitant tout mon sang au cœur. Ce ne pouvait être que sa voix à elle. J'en étais certain, et cependant je n'osais regarder. Il me semblait que je serais mort d'une déception. Le public, surpris et respectueux, gardait un profond silence. La voix, un peu attristée cette fois, se fit entendre encore. « M'as-tu donc oublié tout à fait, Iravata ?» D'un bond, je fus debout, devant la loge, qui était juste à ma hauteur, et à travers mes larmes de joie, je voyais Parvati comme dans des flammes. Elle me caressait, m'embrassait, sans s'inquiéter de toute cette salle qui la regardait. Et moi, ce que j'éprouvais, un être humain ne pourrait pas l'exprimer, et j'étais plus honteux que jamais des cris rauques, des piétinements sur place qui étaient mes seuls moyens de manifester un bonheur qui m'étouffait. « Méchant, méchant !» me disait-elle à demi-voix, tout près de mon oreille. « Tu as pu me fuir ainsi, m'abandonner dans un moment si grave de ma vie ? J'ai bien vu que tu ne donnais pas ton consentement à ce mariage. Tu lisais dans l'âme du prince sans doute, et cette âme ne te plaisait pas. Certes, ta sagesse voyait juste, mais tu aurais dû, comme moi, te résigner et te soumettre au destin, au lieu de me quitter comme un ingrat, comme un jaloux. Car tu étais jaloux, et j'ai lu la mort du prince dans tes yeux. Si c'est pour éviter un crime que tu t'es enfui de Golconde, je te pardonne, malgré le chagrin que tu m'as causé. Tu peux maintenant revenir avec moi, ajouta-t-elle, je suis veuve. Certes, ce que je fis en entendant cette bienheureuse parole n'était pas convenable. On m'apprit qu'il ne faut se réjouir de la mort de personne, mais je ne pus me contenir. Je poussai des coups de trompette tellement vigoureux que presque tous les assistants s'enfuirent épouvantés, et je fis trois fois le tour de la piste au grand trot. Le prince Alemguir et Saphir du Ciel étaient aussi dans la loge. Je ne les avais pas vus tout d'abord, aveuglé que j'étais de larmes et d'émotions. Ils avaient appelé auprès d'eux le directeur du grand cirque des deux mondes, et je compris tout de suite que l'on traitait avec lui de ma rançon. Il se montra à la fois digne et humble devant le roi et la reine de Golconde, et avec beaucoup de loyauté il déclara que je ne lui appartenais pas, que j'étais seulement engagé dans la troupe avec mon maître actuel, et que d'ailleurs j'avais fait affluer tant de roupies dans la caisse de l'association qu'il me devait de la reconnaissance, tandis que je ne lui devais rien. Ce fut donc à titre de largesse qu'il accepta, après s'être beaucoup défendu, le magnifique diamant que le roi lui offrait et la somme importante qui devait être distribuée à tous les acteurs de la troupe. Mukunji s'était approché et je fis comprendre à Parvati que je désirais ne pas l'abandonner. Il se tenait le mieux qu'il pouvait, on ne s'aperçut pas qu'il était ivre et il fut convenu qu'on l'emmènerait à Golconde. Tous les artistes, dans leurs costumes de spectacle, étaient réunis sur la piste. Je fis mes adieux le plus affectueusement que je le pus, mais il me semblait déjà loin, loin de moi, comme oublié, enveloppé de brouillard et de nuit. J'avais retrouvé ma lumière, ma joie, ma vie. Je ne voyais plus que cela, et tandis que les bouchons de champagne sautaient et que les verres se choquaient en mon honneur, ce fut comme dans un rêve que je quittais pour toujours le cirque des deux mondes, absorbé que j'étais dans l'immense bonheur de sentir de nouveau sur mon dos le poil léger de mon adorée princesse, enfin reconquise. Ainsi s'achève Les Mémoires d'un éléphant blanc par Judith Gautier.